Граф взял глок и повертел его в своих маленьких пухлых руках. Я заметил, как трубач подобрался, но на этот раз ему не представилось возможности продемонстрировать свою рысью хватку. — Вы сказали, что вам нравится эта машинка, — проговорил граф. — Да, очень, — вполне искренне признался я. Он взял пистолет двумя руками, как чашу, и протянул мне через стол. — Дарю. — Вы шутите, граф? — Дарю, — повторил он с таким самодовольством на физиономии, что прямо хоть руками разводи. — Странные вещи вытворяет с нами наше самомнение, очень странные. Если человек считает, что он красив, он и ведет себя как красавец. И что самое поразительное, и женщины-то к нему чаще всего относятся как к красавцу. А вот если человек считает, что он умен, то ведет себя как последний дурак. И дураком же выглядит в глазах окружающих. А уж когда человек самовлюблен. Я принял глок. Не потому, что он мне действительно нравился, а потому что понял, я должен его принять. Но спасибо не сказал. Это слово в его глубинном изначальном смысле никак не годилось для этого случая. Не сказал я и «благодарю», а сказал то, что он хотел услышать. Графский подарок. И он сразу стал Наполеоном после Аустерлица, небрежно благосклонным к свидетелям своего триумфа и мысли не допускающим, что кто-то может не восхищаться им и его не любить. Доверчивым дураком, что для меня в этой ситуации было самым главным. Я попросил трубача: «Пойди, развяжи этих, Гришу сюда приведи, а остальные пусть сидят в фиате». «Гриша — это который с перебитым носом?» — уточнил трубач. «Или без зубов?» «Который самый целый из них», — подсказал граф и удалился в гардеробную, даже и не подумав убрать пистолет из журнального столика. Тут я их слегка и перезарядил. Патронами от Макарова заклинил магазины Боярда и Браунинга, а маслятами калибра 6.35 от этих дамских игрушек зарядил ПМ. Так что из Браунинга и Боярда теперь не смог бы выстрелить даже Кио, а стрелять из Макарова патронами калибра 6.35 вместо штатного 7.62 я не пожелал бы и моему первому взводному, который считал строевую подготовку важнейшей дисциплиной для будущих офицеров-десантников. Эту нехитрую работу я закончил как раз к тому моменту, когда из гардеробной появился граф в белых брюках и синем блейзере с золотыми пуговицами, а трубач с улицы ввел его телохранителя Гришу, крепенького мужичка, который выглядел так, словно побывал в руках у людей, не подписывавших Женевскую конвенцию о гуманном отношении к военнопленным, а если и подписывавших, то не читавших, а если и читавших, то не очень внимательно. С виду-то он был вполне в норме, но двигался как робот с несмазанными шарнирами. Он тупо посмотрел на полусвалившегося с дивана Ленчика, потом на стволы передо мной, потом на меня, а уж только потом, со слабо обозначенным во взгляде вопросом, на графа. «Все в порядке», — сказал граф. «Сейчас поедем в Новый двор». Он взял со стола ПМ и сунул в подмышечную кобуру телохранителя, а Браунинг и Боярд убрал в ящик письменного стола. «Он не сможет сейчас вести машину», — заметил я. «Ему нужно хоть пару часиков отдохнуть». «На заднем сиденье отдохнет. Сам поведу», — ответил граф. «Могу я», — предложил трубач. «Никогда не ездил на Альфа-Ромео. А в Фиате я все равно не поеду. Там этот, Владос, воняет». «Ну, не воняет, но мне кажется, что воняет. Это одно и то же. Пусть сами едут. И с трупом пусть сами разбираются. Скажите им, граф». «Прикажу», — он обернулся ко мне. «Вы вернете моим людям оружие?» «Не раньше, чем мы исчезнем». «Вы мне не доверяете?» «Вам?» «Да». «Им?» «Нет». Он даже оскорбился. Но я не дал ему и рта раскрыть. Пора было переместить этого Наполеона с Аустерлица в более подходящее для него место. Скажем, на старую Смоленскую дорогу, по которой он чесал из Москвы. «Не забывайтесь, граф». Сейчас приказываю я. И смените свой блейзер. Мы едем на барахолку, а не в гей-клуб». Он послушно выполнил приказ, но за руль трубача не пустил и всю дорогу до Нови двора обиженно молчал. Мы с трубачом тоже помалкивали, а про Гришу и говорить нечего. Возле военного городка я велел трубачу покараулить машину, чтобы ее не сперли вместе с Гришей, и прошел с графом к Ситроену. На лобовом стекле висел листок с крупным словом «Продано», а в кабине нас ждали боцман и док. У дока в руках был его экономист, а на коленях боцмана лежал светлый металлический кейс с цифровыми замками. Где-то успели найти. Правда, он был чуть великоват для 5 килограммов дури, но выбора, видно, не было. Мы с графом влезли в кабину и заперли дверцы. Док молча передал мне полиэтиленовый пакет. Я заглянул внутрь. Там были пачки баксов. «Только 35 штук», — объяснил док. «У меня еще 10». Я вынул из кармана 2 5-тысячные пачки, бросил их внутрь и передал пакет графу. «Все, что есть. Можете взять в уплату Ситроен, но я не советовал бы. Он может быть засвечен в болгарской полиции и объявлен в международный розыск». Граф кивнул. «Хороший совет». Он пересчитал пачки в пакете, пролистнул их с краю, чтобы убедиться, что это не кукла, а одну купюру вытащил и быстро ее осмотрел. Как это сделал в Москве боцман, только гораздо быстрее. Видно, глаз у него на это дело был лучшеић================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================